Bonsoir. Cette semaine, au segment francophone, nous allons traiter de la situation en République centrafricaine, où la chute du président Bozizé et la mise en place du nouveau gouvernement dominé par la CELECA n'ont pas amoindri les nombreux problèmes de la population centrafricaine, notamment celle des réfugiés. Donc, pour récapituler les faits brièvement, avant d'intervenir avec notre invité Patrick Mbeko, pour l'instant, près de 40 000 personnes ont quitté le pays depuis le mois de décembre en raison de l'insécurité, de la crainte d'arrestation et de détention arbitraire. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, près de 30 000 personnes ont déjà pris la direction de la République démocratique du Congo. D'autres se sont installés au Tchad et au Cameroun, ce qui vient exacerber encore la précarité des conditions de vie dans la région. En République centrafricaine, le CELECA, une coalition de trois mouvements rebelles, a renversé le 24 mars dernier François Bozizé au pouvoir depuis 10 ans. Pour l'heure, à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, qui est toujours militarisée, le gouvernement de transition, principalement constitué par des opposants des membres de la rébellion et de la société civile, s'est réuni le 31 mars dernier. Une semaine après la fuite de Bozizé au Cameroun voisin, et le président autoproclamé, Joto Dia, a ordonné le 4 avril dernier la mise en place d'un processus de transition démocratique, comme l'ont préalablement demandé les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, réunis la veille au sommet de N'Djamena au Tchad. Donc, M. Joto Dia a approuvé la création d'un conseil supérieur de transition qui aura un mandat de 18 mois, censé notamment désigner un nouveau président, rédiger un avant-projet de constitution à soumettre au peuple par voie référendaire et assumer les prérogatives législatives ordinairement dévolues à un organe législatif. Le conseil sera composé de 97 membres, dont 20 qui représenteront les partis politiques, avec notamment 9 sièges pour l'ex-opposition démocratique, 6 pour l'ex-majorité présidentielle et 5 pour d'autres partis. 10 sièges reviennent à la coalition rebelle CELECA au pouvoir, les autres étant occupés par les représentants de la société civile, des confessions religieuses, des syndicats ou encore la magistrature. Enfin, maintenant, Patrick Mbeko est parmi nous aujourd'hui pour analyser ici l'actualité politique en République centrafricaine. Il est étudiant en sciences politiques, un activiste canadien d'origine congolaise, membre représentant au Québec du collectif Friends of the Congo, basé à Washington aux États-Unis. Analyste des questions géopolitiques et géostratégiques, Patrick Mbeko est aussi l'auteur du livre « Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé » paru chez Le Nègre éditeur. Ce livre de 688 pages est préfacé par le journaliste américain Kate Harmon Snow et post-facé par l'avocat international Maître Christopher Black. Bonsoir, M. Mbeko. Bonsoir, Monda. Merci d'être avec nous. D'abord, comment considérer la situation en cours en République centrafricaine dans sa dimension géopolitique? Actuellement, on peut dire que la situation paraît très calme, mais les choses ne sont pas aussi simples, aussi calmes qu'on le présente. Le gouvernement actuel, constitué en grande majorité des rebelles, n'arrive pas vraiment à gérer la situation. Bon, on essaie de rétablir l'ordre avec l'aide des forces françaises et étrangères qui sont là. Mais les choses ne sont pas aussi évidentes que ça. On sait qu'il y a encore des poches d'insécurité et il y a eu quand même un pillage assez important des infrastructures du pays, des magasins des expatriés, des résidences. Donc, ce qui fait qu'il y aura quand même un problème au niveau de la reconstruction. Donc, on a assisté en tout cas, l'arrivée de la CELECA a emmené un cortège de pillage, un cortège de massacres aussi. Parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même assez, il y a beaucoup de morts et aussi un cortège de réfugiés, comme vous l'avez dit, en République démocratique du Congo. Donc, les nouveaux dirigeants ont du pain sur la planche, comme on dit. Est-ce possible d'élargir davantage votre champ d'analyse par rapport à l'accès aux ressources naturelles? Oui, en fait, la crise centrafricaine n'est pas aussi simple que ça. Bien entendu, il y a des gens qui peuvent dire que, bon, François Bozizé, le président actuel, l'ex-président était un dictateur et tout, mais je pense qu'il ne faut pas simplifier l'analyse des événements à travers ce prisme-là, de toujours dire que, bon, c'est un dictateur, bon, les médias vont nous présenter un Bozizé qu'on ne présentait pas dans le passé, quand il était encore l'ami de la France. Mais là, quand vous regardez les différents acteurs sur le terrain, il y a de quoi s'inquiéter, surtout pour les populations centrafricaines, mais aussi africaines. Qu'est-ce qui s'est passé en Centrafrique? Il y a eu une rébellion, la rébellion de la Séléka, constituée des populations musulmanes du nord du pays. Mais qui sont encore derrière ces gens? Il s'avère qu'ils ont été aidés par le Tchad, qui, quand même, faut-il le rappeler, avait aidé Bozizé à prendre le pouvoir. Et donc, le Tchad ne peut pas aider la rébellion sans l'accord des Français. Or, dans la région, l'attitude américaine paraissait un peu étrange. Les Américains n'ont pas branché. Or, il y a les membres des forces spéciales américaines et aussi des agents américains qui sont dans cette région dans le cadre de la campagne contre Kony. En même temps, il faut aussi élargir le champ de savoir. Quand on sait que la Séléka est composée des musulmans du Nord, je ne veux pas faire le procès des musulmans, mais il y a des questions à se poser quand on sait que le président Bozizé avait parlé de l'appui du Qatar, ce pays qui a quand même financé la déstabilisation de la Libye. Mais tout ça pourquoi? On sait aujourd'hui que c'est une guerre de ressources naturelles. Donc la Centrafrique est un pays qui est très riche et il s'avère que François Bozizé avait quand même cédé les richesses de son pays à la Chine. Et cela, tout porte à croire que cela n'a pas vraiment plu aux puissances occidentales. Et il faut surtout se rappeler des premières déclarations du nouvel homme fort de la Centrafrique. Il a dit qu'ils allaient faire appel à l'Union européenne, aux États-Unis, et ils allaient revoir les contrats signés avec les Chinois, que Bozizé a signé avec les Chinois. Donc on voit clairement que cette guerre, donc comme toutes les guerres en Afrique, a une connotation, ça sent les ressources naturelles. Donc voilà. Et la posture de l'Afrique du Sud par rapport à la situation, est-ce que vous pouvez étayer L'Afrique du Sud a joué un jeu assez trouble parce que d'abord, l'Afrique du Sud a signé des accords de coopération avec la Centrafrique. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi le fait qu'ils avaient dépêché des troupes sur place. C'était normalement pour sécuriser le terrain, mais ces troupes se sont battues contre les rebelles. Ça, c'est une chose. Et l'attitude même du gouvernement sud-africain, pour l'heure, semble assez ambiguë dans la mesure où, en Afrique du Sud, il y a un débat important autour de la participation des forces sud-africaines dans le conflit. Et jusque-là, l'Afrique du Sud, non seulement n'a pas rapatrié ses militaires, mais elle a encore déployé beaucoup plus d'équipements militaires dans la région nord du Congo, à la frontière avec la République centrafricaine. Pourquoi? Il y a un général ougandais sous le couvert de l'anonymat qui a dit que les Sud-Africains voudraient se venger. Mais je pense qu'il ne faut pas seulement regarder sous ce prisme-là. Il y a des intérêts très importants. On sait que des intérêts sud-africains au niveau du pétrole et des diamants, il y a des intérêts sud-africains dans cette région. Il y a aussi le fait que l'Afrique du Sud sous-traite quand même, il faut le dire, la politique des puissances anglo-saxonnes dans la région. Donc, il y a encore, comme dans le cas du Mali, je perçois là le double jeu américain, c'est-à-dire qu'ils ne branchent pas, ils ne bougent pas, mais ils utilisent l'Afrique du Sud pour faire le travail. Et l'Afrique du Sud, aujourd'hui, si elle veut s'interposer, c'est non seulement pour les intérêts sud-africains, mais aussi pour les intérêts anglo-saxons. Et la France a décidé dans ce grand jeu africain, de faire jouer le Tchad, qui est quand même un sous-traitant aujourd'hui. Monsieur Déby est le sous-traitant des intérêts français, des puissances, des intérêts français dans la région. Et en toile de fond, vous avez déjà mentionné qu'il y avait la militarisation qui s'opérait en cours actuellement sur le continent. Est-ce que vous pouvez discuter de cette dimension-là par rapport à l'Africom notamment? Oui, tout à fait. Je pense que aujourd'hui, Il y a quelque chose de troublant. D'abord, le nouvel homme fort, M. Joe Todia, a dit qu'il allait faire appel aux troupes américaines et françaises pour former l'armée centrafricaine. C'est assez étonnant. Mais en même temps, il y a beaucoup de troupes africaines dans la région, dont les troupes tchadiennes qui ont pris part au combat, qui ont été formées par les Américains. Et entre-temps, on voit, et je viens de le dire tantôt, que la Séléka est composée des musulmans. Je ne veux pas lier les musulmans aux terroristes, mais je veux dire, il y a déjà des allégations de l'implication du Qatar derrière ces gens. Donc, on ne va pas prendre ça à la légère, comme on l'a fait dans le cas de la Libye, quand Kadhafi disait que Al-Qaïda était derrière le CNT. On disait qu'il était fou, mais il n'était pas fou, il disait la vérité. Et s'il s'avère que le Qatar est impliqué, il faut avoir peur, il faut vraiment craindre pour la sécurité même de la région. Pourquoi ? Parce qu'en s'impliquant, le Qatar joue aussi le sous-traitant des intérêts américains. Sauf que le Qatar est un État salafiste. Donc ces gens risquent d'établir dans cette région la réalité que nous sommes en train de... La triste réalité que nous voyons actuellement dans le Sahel. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les Américains auront moins un autre prétexte pour dire qu'après Kony, nous devons chasser, soi-disant, les terroristes qui pullulent dans la région. Et ça rentre dans cette politique de militarisation qui a commencé avec la déstabilisation de la Libye. Parce qu'une fois qu'on a déstabilisé la Libye, on a installé deux bases secrètes dans ce pays. Et c'est de ces bases-là qu'on forme aujourd'hui des terroristes qui ont envahi le Mali et qui jouent au pyromane en Syrie. Et donc, il faut voir là une politique qui a commencé vers le Sahel, mais qui descend calmement mais sûrement dans la région. Et il faut vraiment craindre pour... cette région, d'autant plus qu'on sait déjà avec la situation congolaise, avec la situation centrafricaine, ougandaise et rwandaise, on sait que cette région est une poudrière. Donc si on ajoute à cette triste réalité la nouvelle donne centrafricaine avec la Séléka en toile de fond, le Qatar, qui en toile de fond encore il y a les États-Unis, c'est mal parti. Et pour les Américains, c'est important dans la mesure où ça rentre dans le cadre de leur politique pour lutter contre la Chine. Ce dont nous parlons aujourd'hui. Parce que la Chine est un grand partenaire, a été un très grand partenaire du gouvernement Bozizé. Ce sont les Chinois qui ont financé même la campagne de Bozizé, qui l'ont armé en échange des diamants. Et le pétrole qui a été découvert, les champs pétroliers découverts dans ce pays, M. Bozizé les a confiés à des Chinois. C'est sans oublier que dans le passé, il y a eu un différend entre une entreprise américaine, une entreprise pétrolière américaine et M. Bozizé. Donc M. Bozizé avait récupéré ce contrat pour le donner à la Chine. Donc il est très certain que les intérêts occidentaux ne se sont pas réjouis. Et je pense qu'ils ont rendu la monnaie, ils ont rendu l'appareil donc, en le renversant. Et dans ce cadre-là, nous tendons lentement mais sûrement vers la militarisation totale de toute la région et de toute l'Afrique. Merci. Je rappelle que vous êtes présentement à l'écriture d'un ouvrage intitulé « 40 ans de guerre secrète contre la Libye » de Kadhafi. Est-ce que c'est pour bientôt la publication? Oui, c'est pour très bientôt. D'ailleurs, j'étais en train de finaliser quand j'ai reçu des documents assez importants sur ce dont nous parlons actuellement, c'est-à-dire l'appui des puissances occidentales à des mouvements djihadistes. Quelques sources en France et quelques documents montrent clairement que dans la politique actuelle des grandes puissances en Afrique, on ne va pas vraiment utiliser, comme dans le passé, des États clients. On va beaucoup plus utiliser des terroristes, ces djihadistes. Pourquoi ? Parce que les États clients aujourd'hui commencent à se rendre compte qu'avec la Chine, même ces dictateurs-là se retrouvent un peu plus qu'avec l'Occident. Et il y a un cas qui est important qu'il faut relever. C'est le cas de M. Bozizé, dans la mesure où, vous savez, M. Bozizé a signé avec les Chinois à la place de Taïwan, parce qu'avant, Centrafrique avait Taïwan qui est l'allié des États-Unis. Mais M. Bozizé a signé avec les Chinois sur recommandation, sur conseil des chefs d'État de la région, dont M. Sassou Nguesso et M. Paul Biya. Et dans le pays de M. Sassou Nguesso, on retrouve aujourd'hui la Chine qui intervient massivement. Au Cameroun, la Chine intervient massivement. Même au Congo, où nous avons un régime vassal, il y a quand même les Chinois qui sont là. Donc, pour les Américains, surtout les puissances occidentales, mais en tête desquelles les Américains, il est important d'instaurer des gens qui sont vraiment soumis aux intérêts de l'impérialisme. Et ceux qui sont le plus soumis Ce ne sont pas les régimes clients africains, mais ce sont les salafistes. Parce que les salafistes, ils sont issus d'un courant des frères musulmans, qui est une création des services secrets britanniques. Et ça, il faut que les gens le sachent. Donc, ce sont ces gens-là qu'on va utiliser pour contrer la Chine. Parce qu'avec ces gens-là, il n'y aura pas de négociation. Ces gens, tout ce qu'ils ils rêvent d'installer des États islamistes dans le genre du Qatar ou de l'Arabie saoudite, où on va couper les mains, où ils vont faire la pluie, le beau temps avec les femmes et tout ça. En échange, ils se foutent pas mal de ressources naturelles qu'ils sont prêts à laisser à des puissances occidentales. Et donc, on préfère miser sur eux. Et donc, dans le cadre de mes recherches, je me suis simplement rendu compte que d'abord, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les liens entre les puissances occidentales et des mouvements fascistes ou des terroristes, on a vu avec le réseau Gladio dans le passé, pendant la guerre froide. On voit en Libye, dans le cas de la Libye, c'est quand même important parce que je suis tombé sur un document d'Interpol et j'ai demandé aux membres d'Interpol, mais le premier État à porter plainte contre Al-Qaïda et à poursuivre Ben Laden, c'était la Libye en 96. Seulement, le nom de la Libye n'apparaît pas. Pourquoi ? Parce que en 96, la Grande-Bretagne avait payé 100 000 livres sterling à Al-Libi, qui était un membre d'Al-Qaïda, pour assassiner Kadhafi. Donc, on voit là des relations assez troublantes entre des États prétendument démocratiques, des dirigeants qui se disent démocratiques, avec des fascistes, avec des gens de la cabine de Ben Laden. Donc, on peut même dire que Ben Laden est un enfant face à ces dirigeants qui se drapent de cette veste-là de démocrate ou de quoi que ce soit. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là. Et je pense que ce que nous voyons aujourd'hui, et l'illustration, ce qu'on a vu en Libye plutôt, est l'illustration de ce qui va se passer dans le reste du continent. Et ça, je pense qu'il faut que les Africains se sortent de ces analyses limitées qui en se disant « bon, un dictateur est parti, Bozizé est parti, tant mieux, d'autres sont arrivés, ce sont des démocrates ». Non, Bozizé est parti, ce sont les jeux d'alliance, Bozizé ce n'est pas la population centrafricaine qui l'a chassé, c'est un groupe soutenu par des puissances occidentales qui ont utilisé le Tchad. Tout ça pour contrer la Chine et faire main basse sur les richesses de la région. Merci beaucoup, Patrick Mbeko. C'est à suivre. Et je précise aussi que vous êtes l'auteur du livre « Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières au Congo par le Rwanda interposé », paru chez Le Nègre Éditeur. Vous écoutez Amandla, une émission bilingue d'analyse politique et d'information produite par le GRILA, chaque mercredi à CKUT 19h au 90,3 FM. Et vous pouvez aussi nous suivre sur addax.wordpress.com. Restez des nôtres, nous revenons après la pause musicale.